C'est la loi du plus fort, les absents ont toujours tort. Après la pluie vient le beau temps, un jour on parlera de moi, certainement. C'est la loi du plus fort, les absents ont toujours tort. Après la pluie vient le beau temps, personne ne pourra m'empêcher d'entrer un jour dans la cour des grands. C'est la loi du plus fort, les absents ont toujours tort. Après la pluie vient le beau temps, un jour on parlera de moi, certainement. C'est la loi du plus fort, les absents ont toujours tort. Après la pluie vient le beau temps, personne ne pourra m'empêcher d'entrer un jour dans la cour des grands. On peut vivre un rêve, cette nuit j'en ai fait un. Je me voyais voleur comme Arsène Lupin. Je traversais la ville poursuivi par les flics. Mais à mon réveil, à la télé, y'a Derrick. J'aurais voulu être acteur, le succès ne me fait pas peur. Faire la fête à Cannes, rencontrer des stars. Avoir mon étoile sur Hollywood Boulevard. Mais je me réveille au petit théâtre de Bouvard. C'est la loi du plus fort, les absents ont toujours tort. Après la pluie vient le beau temps. Un jour on parlera de moi, certainement. C'est la loi du plus fort, les absents ont toujours tort. Après la pluie vient le beau temps. Personne ne pourra m'empêcher d'entrer un jour dans la cour des grands. Peut-être même au Parlement. Ouais, au Parlement. Ouais, ouais. On peut vivre un rêve, cette nuit j'en ai fait un. Je me voyais chanteur comme Joe Dassin. À travers la ville, poursuivi par les groupies. Mais à mon réveil, à la télé, y'a Star Academy. J'aurais voulu être compositeur, le travail ne me fait pas peur. Écrire des symphonies en jouant au billard comme Mozart. Écrire de la musique écoutée par les dieux. Mais à mon réveil, à la télé, y'a André Rieu. C'est la loi du plus fort, les absents ont toujours tort. Après la pluie vient le beau temps. Un jour on parlera de moi, certainement. C'est la loi du plus fort, les absents ont toujours tort. Après la pluie vient le beau temps. Personne ne pourra m'empêcher d'entrer un jour dans la cour des grands. Ou peut-être même président. Ouais, président. Ouais, ouais, président. On peut vivre un rêve, cette nuit j'en ai fait un. Comme Bill Gates, je me voyais informaticien. À travers le monde, j'imposais le numérique. Mais à cause de lui, j'ai dû fermer boutique. J'aurais voulu être chercheur, le progrès ne me fait pas peur. Remplacer le sablier par une montre qui donne l'heure. Comme Galilée, découvrir que la Terre est ronde. Mais à mon réveil, à la télé, bah y'a rien. Il n'y a pas de saut métier, chacun un jeu sur à son pied. Le travail c'est la santé, ne rien faire c'est la conserver. Que tu finisses Richard ou Smicard au placard. Le travail c'est la santé, ne rien faire c'est la conserver. C'est la loi du plus fort, les absents tout toujours tort. Après la pluie vient le beau temps. Un jour on parlera de moi, certainement. C'est la loi du plus fort, les absents ont toujours tort. Après la pluie vient le beau temps. Personne ne pourra m'empêcher d'entrer un jour dans la cour des... C'est la loi du plus fort, les absents ont toujours tort. Après la pluie vient le beau temps. Un jour on parlera de moi, certainement. C'est la loi du plus fort, les absents ont toujours tort. Après la pluie vient le beau temps. Personne ne pourra m'empêcher d'entrer un jour dans la cour des grands. Dans la cour des grands. Dans la cour des grands. Dans la cour des grands. Dans la cour des grands. Dans la cour des grands.